La littérature de science-fiction, une littérature d'hommes, pour les hommes, écrite par des hommes qui parlent à d'autres hommes. Cela a été certes le cas de la naissance du genre jusqu'aux années 60, mais petit à petit, l'exploratrice en combinaison des IP jusqu'au nombril et l'extraterrestre Amazon sauvage à la crinière fougueuse ont laissé leur place à des héroïnes plus fortes, plus complexes, et surtout à des autrices qui ont accompagné l'évolution de la société dans ses interrogations vis-à-vis du genre. D'un genre masculin monolithique bidimensionnel, l'ASF est devenue diverse, multiple et révolutionnaire. SF féministe, une littérature de genre, c'est le programme militant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parcourir les chemins de traverse de cette littérature de science-fiction qui a mis à bas les stéréotypes masculinistes, nous avons le plaisir de recevoir Jeanne Adeba. Bonjour. Bonjour. Autrice notamment de Humaine, Trop Humaine aux éditions Actu SF et directrice artistique du festival Les Utopiales. Nous sommes en ligne avec Anne Larue. Bonjour. Bonjour à tous. Essayiste, autrice récemment de Libère-toi cyborg, le pouvoir transformateur de la SF féministe. C'est aux éditions Cambourakis, Grand Prix de l'Imaginaire 2019. Et nous serons rejoints tout à l'heure par Catherine Dufour, autrice du récent Ada ou La beauté des nombres chez Fayard. Mais on commence par un journal des sciences un peu spécial pour faire le point sur les avancées scientifiques et la recherche autour de l'épidémie de Covid-19. Et c'est comme tous les jours avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et donc on commence avec le premier sujet de ce journal spécial, un essai clinique français sur le Covid-19 vient d'être lancé, Natacha. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a débloqué des fonds, 8 millions d'euros, auxquels on peut ajouter 4,6 millions d'euros de l'Union européenne. Alors pour lutter contre l'épidémie, 20 projets pilotés par le CNRS, le CEA, l'Institut Pasteur ont été lancés. Et un grand essai clinique va débuter la semaine prochaine. Cet essai, c'est pour avoir des preuves scientifiques de l'efficacité ou pas de différents antiviraux connus. Alors pour le moment, il n'existe aucun traitement efficace, pas même la chloroquine, le médicament contre le paludisme. Alors pour cet essai clinique baptisé Discovery, 3200 patients européens, dont 800 français, gravement atteints par le Covid-19, vont être suivis pendant 15 jours. Ils seront répartis dans 4 groupes tests différents. France Montré est professeure de biostatistique dans la fac de médecine de l'Université de Paris. Elle est co-responsable du projet Discovery. On comparera ainsi des patients qui vont recevoir ce qu'on appelle le standard of care, excusez-moi pour le franglais, c'est-à-dire les meilleures techniques actuellement possibles pour prendre en charge ces pneumonies en termes d'oxygène, d'antibiotiques et tout ça, versus certains patients qui auront ces meilleures techniques plus un antiviral, le remdesivir, versus d'autres qui auront ces meilleures techniques plus l'opinavir-ritonavir, qui est un traitement qui est donné dans le VIH, et d'autres qui auront l'opinavir-ritonavir plus un interféron bêta. Alors comment ces trois médicaments, puisque le premier groupe sera sans médicament antiviral, comment ces trois médicaments ont été sélectionnés ? Effectivement, l'idée que nous avons eue, c'est que commencer l'essai en France, mais qu'il ait un objectif international, et donc nous avons suivi les recommandations de l'OMS. L'OMS, depuis le début, a prioritisé un certain nombre de molécules, dont ces trois bras de traitement, sur la base de données scientifiques. Le remdesivir, c'est le médicament qui a été testé dans Ebola et dont on pense qu'il a une efficacité importante. Et on a en plus testé in vitro son efficacité. Les deuxièmes, l'opinavir-ritonavir, a été testé dans le SARS-CoV avec des études pas tout à fait concluantes en termes vraiment de puissance statistique, moi qui suis statisticienne, mais laissant penser vraiment quand même une efficacité antivirale. L'hypothèse, c'est quand même de tester toute molécule, surtout que l'opinavir-ritonavir, c'est le médicament du VIH qui est mis sur le marché, qu'on connaît bien, c'est de vraiment vérifier si effectivement il y a une efficacité ou pas. Et donc l'idée de le booster avec interféron vient aussi de ses études chez l'animal. Et on fait un point complet sur l'état de l'épidémie au moment où nous parlons, Natacha. Oui, à ce jour, on compte plus de 125 500 personnes contaminées dans le monde. La France est l'un des pays européens le plus touché, avec 2 968 cas et 61 morts. Alors, on sait que les personnes à risque face au virus sont les personnes de plus de 60 ans, principalement les hommes, et que les facteurs aggravants, ce sont les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires chroniques. Alors, si vous avez déjà eu une pneumonie, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas plus vulnérable. Une pneumonie est un épisode aigu, mais les poumons cicatrisent. En revanche, pour l'asthme, qui touche environ 4 millions de personnes en France, il s'agit d'une inflammation bronchique chronique. Est-ce que les personnes asthmatiques sont plus vulnérables que les autres au Covid-19? Gilles Garcia est pneumologue à l'hôpital d'Antony. La réponse, c'est oui. Et c'est bien sûr un oui, mais quand on a un asthme qui va bien, avec un traitement de fond qui permet d'avoir un très bon contrôle des symptômes, l'absence d'exacerbation dans les derniers mois, on se rapproche du risque de la population générale. Quand on a un asthme qui ne va pas bien, avec beaucoup de symptômes, beaucoup de poussées inflammatoires, avec la nécessité de prendre régulièrement de la cortisone, là pour le coup, on a un risque qui devient beaucoup plus important du fait de cette inflammation bronchique mal contrôlée. On sait depuis longtemps que les virus et asthmes, ça fait pas bon ménage. On sait ça chaque année avec la grippe. Et là, avec le coronavirus, la question se pose de la même façon. Un asthme qui va bien et a peu de risques. Un asthme qui va pas bien, il va pas bien et forcément les risques sont plus élevés. Je pense qu'il y a un élément qui est réellement très important à préciser pour les asthmatiques, c'est qu'on a beaucoup entendu le discours de absolument éviter la cortisone. C'est un discours qui est totalement recevable. Bien sûr, il faut éviter la cortisone parce que dans les pneumonies virales, c'est un facteur d'aggravation. Malheureusement, dans l'asthme, la situation est un tout petit peu différente parce que chez les patients asthmatiques, en fait, ils reçoivent au quotidien un traitement par corticoïde inhalé, qui est un traitement inhalé directement dans les bronches, qui permet de limiter l'inflammation bronchique et à l'inverse, de les rendre plus résistantes à des poussées inflammatoires. Donc il est vraiment indispensable que les patients asthmatiques poursuivent ce traitement par cortisone inhalée, qui a avec un risque très faible et un bénéfice très important, et qui les protège de poussées inflammatoires et qui diminue même le risque de pathologies graves en cas d'infection virale. Voilà, et on vous met évidemment, comme tous les jours, les liens vers les différentes études mentionnées dans le Journal des Sciences sur le fil Twitter de la méthode scientifique, @lamethodefc. Et puis toutes ces informations seront relayées sur la page spéciale sur le site de France Culture, franceculture.fr, consacrée justement à l'avancée des recherches et des informations autour de ce coronavirus. Et on poursuit avec de la recherche fondamentale. Dans la revue Cell, Host and Microbe, des chercheurs viennent d'identifier des cibles pour des réponses immunitaires efficaces contre ce coronavirus SARS-CoV-2. Et une équipe américaine s'est appuyée sur ce qu'on sait déjà des coronavirus, du SARS-CoV et du MERS-CoV. Si on connaît un individu d'une famille, on a des chances de bien connaître l'autre individu de la même famille. Ils ont utilisé les données existantes sur les réponses immunitaires de ce que ces virus impliquent. Ils ont ainsi évalué quelles sont les parties du SARS-CoV-2 capable d'activer le système immunitaire. Quand notre système immunitaire rencontre une bactérie ou un virus, il se concentre sur de minuscules molécules, les épitopes. C'est ce qui permet au système immunitaire de distinguer les envahisseurs et de concentrer son attaque. Grâce à un algorithme de prédiction, les chercheurs ont identifié et cartographié une dizaine d'épitopes du SARS-CoV-2. Cette étude est une avancée importante pour la création d'un vaccin. Anne Vanette est professeure de biologie moléculaire et de biologie computationnelle à l'Université de Paris. Un virus, c'est fait de protéines. Ces protéines font une espèce de cercle, de boule, dans laquelle est protégé l'acide nucléique, qui est de l'ARN, ce qui n'est pas sans poser de problème d'ailleurs. Cette boule qui protège l'ARN, elle a aussi planté, comme dans un tas d'épingles à nourrice, elle a aussi planté des protéines de surface. Donc cette sphère est faite de protéines, et les protéines de surface sont aussi des protéines. Un épitope, c'est un petit bout de ces protéines. Pourquoi ces épitopes sont importants? Parce que s'ils sont immunogènes, et là ça veut dire que notre système immunitaire sera capable de les reconnaître, eh bien tout notre système immunitaire, après avoir reconnu ce petit bout de protéines du virus, va pouvoir déclencher toute une cascade pour anéantir ce pathogène. Et c'est ça qui a été montré, ça c'est quand même très très important, c'est-à-dire que ils ont projeté les épitopes de COV2, qui est le virus qui nous ennuie pour l'instant, à partir des épitopes de COV, qui était celui de 2003, et ils ont corroboré ces résultats en s'assurant que ces épitopes avaient des biens à la surface des protéines, ce qui est vraiment un très joli résultat. Donc il va falloir mettre quelques morceaux, quelques peptides d'un virus dans le corps humain pour activer le système immunitaire. Du coup, l'étude nous permet de choisir les peptides qui représentent les épitopes qui vont activer le système immunitaire. C'est là où c'est intéressant. Voilà, et pour conclure cette partie du Journal des Sciences consacrée au Covid-19, l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, a confirmé que les animaux domestiques ne transmettent pas le coronavirus à l'être humain. Et il est peu probable que le virus repasse de l'être humain à l'animal. Hein. Ni les animaux de compagnie, ni les animaux d'élevage. Le cas du chien de Hong Kong, testé faiblement positif, avait suscité de nombreuses inquiétudes. Hein. La présence du virus dans ses cavités nasales et orales ne signifie pas que le chien était contaminé à proprement parler. Il s'agit d'une contamination environnementale et non pas d'une contamination cellulaire. Les experts de l'ANSES ont aussi affirmé qu'une contamination par voie digestive semble également peu probable. Et parce qu'il n'y a pas que le coronavirus dans la vie scientifique et dans la vie tout court, cette semaine dans le Journal des Sciences, il a été question des robots qui imitent la physiologie des plantes, de l'espoir de créer un vaccin universel contre la grippe, d'une avancée majeure en informatique quantique, mais aussi dans l'actualité scientifique cette semaine Natacha, et en ultra bref. Cette semaine, on a découvert qu'à seulement 8 mois, les bébés connaissaient déjà la grammaire de base. Une équipe française a mené des expériences avec 175 nourrissons francophones de 7 à 9 mois. L'étude montre que dès 8 mois, ils peuvent distinguer les mots grammaticaux de fonction, le, elle, que, dans, des mots grammaticaux de contenu, arc-en-ciel, fleur ou chien par exemple. Une analyse génomique prouve qu'il existe non pas une, mais deux espèces de petits pandas, aussi appelés pandarous. On trouve des différences génétiques significatives entre les pandas chinois et ceux de l'Himalaya. Ces deux espèces sont toutes deux considérées comme en danger d'extinction. Et enfin, la sonde spatiale Voyager 2 a traversé notre système solaire et poursuit sa route à plus de 18 milliards de kilomètres de la Terre. La NASA a annoncé que la sonde sera coupée de toute communication avec la Terre pendant un an. La seule antenne terrestre incapable de lui envoyer des commandes doit être rénovée. Voyager 2 continuera son voyage en mode économie d'énergie. Et on termine comme toutes les semaines par notre rubrique de science improbable. Aujourd'hui, Natacha, on a le record du monde de la dent humaine la plus longue. Oui, un jeune Indien de 20 ans souffrait de rage de dents et d'abcès dans les gencives. Son dentiste lui a retiré une dent longue de 3,9 cm. Alors vous êtes peut-être en train de sortir une règle, hein, 3,9 cm c'est presque la taille d'une phalange. C'est deux fois la taille moyenne d'une dent normale avec sa racine. Voilà, presque 4 cm d'extraction, ça a dû être assez terrible. C'est épouvantable. Cette rubrique de science improbable, c'est toujours un mauvais moment à passer. De différentes manières, mais c'est toujours un mauvais moment à passer. Merci beaucoup, Natacha, pour ce Journal des Sciences. On vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. Je crois que Jeanne, vous vouliez réagir peut-être à ce qui s'est dit, à cette actualité scientifique qui est évidemment largement dominée par le coronavirus. Alors, justement, c'est sur évidemment le coronavirus et sur la moindre. Comment dire, le fait que les femmes sont moins atteintes que les hommes par le coronavirus, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas porteuses saines, c'est simplement qu'elles vont être moins malades. Or, c'est un des arguments récurrents des romans féministes de science-fiction lorsqu'on pose l'utopie féministe après. C'est assez amusant ou pas? Et on va parler justement de la SF féminine et féministe, puisque c'est le thème de notre vendredi science-fiction du jour. L'héroïne de science-fiction a, il est vrai, longtemps eu les traits génériques de Barbarella, pulpeuse, dénudée et in fine au service physique et bien sûr érotique des hommes. Mais les années 60 et les mouvements de libération féministe sont passés par là et petit à petit, la SF, ce milieu quasi exclusivement masculin, a fait sa mue. Une mue certes lente, progressive, qui est certainement aujourd'hui encore questionnable à bien des égards, mais des autrices invisibilisées ont pris la plume et ont commencé à bâtir, indépendamment les unes des autres, un nouveau pan de la science-fiction, en bouleversant les genres, en imaginant d'autres équilibres sociaux, en fracassant le mythe du héros testostéroné qui désingue de l'alien à coups de gros, très gros parfois, sabre laser. La SF donc féminine et la SF féministe a conquis son terrain, comme quoi, eh bien, elles ne font pas que demander l'égalité au WC et casser l'ambiance en soirée. Elles écrivent aussi des romans de science-fiction, et c'est ce dont nous allons parler tout au long de cette heure, en compagnie de Jeanne Adeba, qui est avec nous, qui a bravé l'épidémie pour venir avec nous en studio. Et nous sommes en ligne avec Anne Larue et Catherine Dufour, que je salue. Bonjour Catherine. Bonjour. Autrice du récent Ada ou la beauté des nombres chez Fayard. Pour commencer peut-être par vos expériences de lectrice de science-fiction, à quel moment avez-vous senti qu'il y avait comme une dissymétrie entre la littérature de science-fiction que vous lisiez et votre ressenti en tant que lectrice et amatrice de ce genre de l'imaginaire, Jeanne Adeba? Alors en fait, très tôt, puisque les personnages principaux étaient éminemment masculins et les personnages féminins étaient des jeunes cruches à qui le personnage masculin expliquait les choses. Ce qui était bien pratique pour l'expliquer au lecteur, qui pourtant lui est un homme, qui normalement aurait pas dû avoir besoin d'explication puisqu'il n'est pas une cruche. Mais j'avais bien saisi le mécanisme et ça m'ennuyait beaucoup, notamment chez les auteurs que j'adorais, comme Clark ou comme Asimov, où là c'est quand même assez dramatique, puisque le seul personnage d'Asimov, Suzanne Calvin, qui est pourtant une scientifique, elle est décrite comme vraiment, elle casse l'ambiance en soirée, hein, celle-là. Elle n'écrit pas encore en inclusif et elle est carrément hors de possibilité de relations humaines. Donc, conclusion, une femme avec un cerveau n'est pas vraiment un être humain. C'est un robot comme ceux dont elle s'occupe. Et c'était pour moi, en tant que lectrice, un vrai crève-cœur, parce que j'adorais ce que faisait Asimov. Nonobstant ce que j'ai appris depuis sur sa conduite personnelle, sur laquelle on pourrait revenir. J'ai écrit une personnage de scientifique désagréable, extrêmement intelligente, qui pourtant avait une vraie vie affective. C'est pour ça que dans La vieille Anglaise et le continent, mon héroïne s'appelle Anne Calvin. Anne Larue, votre rapport justement de lectrice à ce genre très masculin jusqu'à il y a peu de temps finalement? Eh bien, en fait, moi, j'ai commencé par écrire un roman dont je ne savais absolument pas qu'il était de science-fiction. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert la vraie science-fiction. Avant, je n'étais passionnée que par la collection rouge des mystères du cosmos et des civilisations disparues, ce qui est quand même très marginal par rapport à la science-fiction. Donc, j'ai écrit un roman qui s'appelait « La Vestale du Calyx ». Au départ, c'était un outil pour les étudiantes afin de leur montrer que la culture classique et la culture pop avaient des liens. Donc, c'était qu'il n'y avait pas de fossé, disons, entre les deux. Et donc, j'ai plongé directement des deux pieds dans le monde de la science-fiction. J'ai été absolument horrifiée et par le masculinisme ambiant, naturellement. Et dans ce monde pas facile, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Jeanne si présente, Catherine si présente, et Sarah, Lucie, enfin, diverses autres personnes qui m'ont guidée, qui m'ont prise par la main, un peu comme dans la forêt obscure de Dante. Et j'ai découvert qu'il y avait des autrices et des auteurs féministes, des autorices, disons, féministes, et que tout n'était pas, que j'avais pas besoin de partir en courant, qu'il y avait possibilité de faire quelque chose. Donc c'était un peu ça, disons, mon expérience. J'ai commencé par écrire un roman post-patriarcal, et après j'ai découvert comment ça marchait. Catherine Dufour, votre expérience à vous en tant que lectrice, initialement? Alors oui, moi j'ai pas du tout réalisé qu'il y avait un problème dans la science-fiction, parce que moi j'ai commencé par Catherine Moore, non plutôt par Lee Brackett, après je suis passée à Catherine Moore et Nathalie Enberg, et donc j'avais pas du tout le sentiment qu'il y avait du sexisme, de la misogynie dans la science-fiction, et pareil en littérature générale, hein, moi je suis passée de Colette à Yourcenar. En fait, je suis devenue farouchement féministe à 23 ans, le jour où j'ai reçu ma première fiche de paye. Donc ça a été beaucoup plus tardif que d'autres. Mais c'est vrai que depuis que j'ai ouvert les yeux, c'est un peu à hurler de rire, la personnalité notamment de la robot-psychologue dans un défilé de robots, effectivement. Le jour où elle essaye de sortir de son personnage de scientifique et de se mettre de rouge à lèvres pour ressembler à une vraie femme, entre gros guillemets, tout le monde se moque d'elle. C'est hystériquement misogyne. Mais j'avais fait un récapitulatif, d'ailleurs, de la misogynie, je crois que c'était dans Conan le Barbare. Et c'est à hurler de rire, si c'était pas à pleurer. Hein. Les héroïnes là-dedans, elles ne marchent jamais. Elles titubent, ou elles tombent, ou elles rampent. Elle ne parle jamais, elle murmure, elle chuchote, ou elle sanglote aussi, ou alors elle pousse des petits cris. Il y a eu beaucoup de travail de fait en science-fiction, et heureusement. À quel moment, justement, cet état de fait commence à changer? Il y a évidemment la science-fiction, on sait qu'elle est toujours très lié au pouls de la société. Jeanne Debat, comment est-ce que vous voyez, vous, historiquement, finalement, les premières ouvertures vers, d'abord, l'effondrement de ces stéréotypes? Bien sûr, il y a eu d'abord Ursula Le Guin. Ouais. Son roman... La main gauche de la nuit. La main gauche de la nuit, qui pose le genre comme non nécessaire, en fait. Non pas... Il n'y a pas d'opposition dans la main gauche de la nuit, puisque tout le monde est neutre, et à un moment, obtient ou le sexe féminin ou le sexe masculin, et tout le monde s'en fiche, en fait. Alors, évidemment, c'est sous le regard des terriens qui n'ont pas cette optique par rapport à ça, mais quelque part, le roman de Le Guin, qui va obtenir un Hugo, qui va être porté au nu, qui, hélas, du coup, va exonérer le genre d'être féministe pendant des années, puisqu'on aura enfin l'icône dont on avait besoin, le drapeau pour dire « oui, vous voyez bien qu'on est féministe, on a la main gauche de la nuit ». Malgré... Bon, Le Guin va continuer son travail, hein. Tiptree va y arriver derrière. Il va y avoir aussi Von Harburg, enfin toutes ces autrices qui vont poser le genre. Et qu'on va examiner tout au long de cette heure, hein, on va en parler. Tout à fait, mais le fait est que Le Guin arrive d'abord comme une rupture et puis comme une stase. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. La main gauche de la nuit, c'est 1969, hein, et Ursula Le Guin, alors je vais le traduire parce que je l'ai en anglais, elle dit à propos de La main gauche de la nuit, mon premier texte féministe était donc La main gauche de la nuit, que j'ai commencé à écrire en 1967. C'était une early experiment de déconstruction du genre. Tout le monde me demandait qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme. C'est une question difficile. Donc, dans La main gauche de la nuit, j'ai complètement éliminé le genre pour me rendre compte que pour chercher ce qui resterait une fois qu'on l'aurait éliminé. Science-fiction est une opportunité merveilleuse de jouer à ce genre de jeu. C'est évidemment un texte fondateur, Anne Larue, La main gauche de la nuit, pour ça. Ben, je dirais que moi, par rapport à la question que vous avez posée en général, effectivement, je me demande si c'est pas, j'étais en train de me dire, le passage d'une science considérée, enfin, dans le mot science-fiction, considérée comme une chasse gardée masculine, disons l'astrophysique, la physique, on a peu à peu une évolution vers des choses qui sont la biologie, la zoologie, par exemple. Là, on parlait de James Tiptree, bon, par exemple, dans une nouvelle qui s'intitule Notre cœur haploïde, James Tiptree utilise vraiment ses compétences de biologiste, et pareil, chez Le Guin, c'est rien d'autre que ce qu'on appelle l'hermaphrodisme séquentiel. Finalement, enfin, ça réfère finalement à des poissons, des animaux qui sont parfois mâles, parfois femelles, selon le contexte, selon la nécessité. Et toujours chez Tiptree, on a ce qu'on appelle la métagenèse, c'est-à-dire on se reproduit un coup de façon sexuée et un coup non. Je pense aussi aux parasites qui créent des spores, qui se reproduisent toutes seules, dans Une seule chose à faire de Tiptree, qui est une excellente, magnifique nouvelle. Et écrite par Tiptree. Bon, donc est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'évolution de la science de type astrophysique physique jusqu'à une science qui est tout aussi scientifique, bien évidemment, de type biologie, zoologie, par exemple. Ça semble être une espèce de bascule, peut-être. Je pense aussi à ce que disait Ballard hein, dans La foire aux atrocités. Il disait « bof, la passion de l'espace, ça n'aura duré qu'une décennie ». Et il faut bien continuer à faire de la science-fiction, même quand on n'a plus cette dimension de l'espace. Alors malgré tout, l'espace, il y a des autrices queer, comme par exemple Becky Chambers, qui utilise ça de façon complètement originale, qui retourne complètement comme un gant cette idée de vaisseau spatial qu'on imagine a priori avec le capitaine, ses deux adjoints, l'homme à abattre et à combattre, l'ami qui va être trucidé, enfin vous voyez tous les grands topos du patriarcat, le fidèle second qui sera sacrifié, etc., etc. Donc je pense que peut-être il y aurait une sorte de bascule à partir de ce moment-là, il me semble, enfin je ne sais pas. C'est intéressant parce qu'il y a effectivement peut-être une bascule vers les sciences du vivant, il y a aussi, à mon avis, et je vais vous laisser réagir à ça, en travaillant effectivement sur tous ces textes, je trouve que Le Guin n'ouvre pas seulement aux sciences du vivant, elle ouvre surtout aux sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle fait basculer le science de science-fiction de la science dite dure, avec tous les guillemets qu'on peut mettre et toute la polysémie intéressante de ce terme, à la science non pas molle, mais aux sciences sociales et humaines, c'est-à-dire avec un regard sociologique transposé à des univers de fiction, Catherine Dufour. Oui, oui, oui. C'est, enfin, moi, je situe vraiment la bascule, bah, comme le dit Jeanne, hein, fin des années 60. Le premier livre qui a eu du succès de Le Guin, c'était Le Monde de Rocannon. Ça devait être donc 67. Et puis après, il y a quand même eu une explosion, parce qu'il y a eu Pamela Sargent, il y a eu Joanna Russ, Doris Lessing, qui est tombée dans la science-fiction, qu'en fait, elle l'a découverte sur le tard. Elle a dit, mais c'est génial. Et on n'a plus bougé. Et elle a sorti l'énorme Canopus en argot. Il y a eu aussi Margaret Atwood. Donc moi, j'ai eu vraiment l'impression d'une explosion. Et effectivement, les femmes ont tendance à beaucoup plus faire dans le social, le sociétal, l'application science-fictive des sciences sociales, peut-être tout simplement parce qu'elles ont plus de choses à en dire. C'est surtout l'impression que j'en ai. Elles ont plus de choses à remettre en cause dans le monde tel qu'il est. J'en suis persuadée. Jeanne Lebas. Alors, je crains, je vais apporter une modulation à ce que tu dis, Catherine. Le problème est que dans les années 60, les femmes scientifiques dures, il n'y en a pas tant que ça, et elles sont trop occupées à faire de la science pour écrire de la science-fiction, je pense. Hein. Statistiquement, je pense que ça, on va me donner raison là-dessus. En revanche, il y a des anthropologues, il y a des sociologues, il y a des psychologues, et par conséquent, ces sciences-là rentrent dans la science-fiction avec forcément Ursula Le Guin, Charnas, Joanna Russ, bien sûr. Il y a quelque chose dans votre livre, Anne Larue, qui m'a surpris et que j'aimerais vous faire commenter. Dans Libère-toi, cyborg, vous considérez Monique Wittig, qui est donc une pionnière, une grande penseuse du féminisme avec des œuvres essentielles comme l'Opoponax, etc. Vous dites, finalement, aux États-Unis, où elle a fait une partie de sa carrière avec sa compagne, avec les guerrières, elle est considérée comme une autrice de science-fiction. Ben oui, c'est étonnant, hein. Alors nous, on est tellement habitués aux distinctions. D'un côté, la couverture blanche. De l'autre, la couverture colorée. La science-fiction contre la littérature dite blanche. On a du mal à imaginer ça. Et pourtant, elle a été lue comme une autrice de science-fiction uniquement pour ce texte, hein, Les Guerrières, où on voit des femmes toutes en métal, avec un visage couvert de poudre brillante, des boucliers qu'envoient des rayons laser, non, c'est pas ça, mais bon, qui tuent sur des kilomètres, qui détruisent des murailles, les filles marchent en rang comme ça, d'environ plusieurs kilomètres à travers la plaine. Enfin, on a une espèce de vision vraiment épique qui a fait que ce bouquin est lu comme ça aux USA. Mais c'est pas seulement ça. Enfin, je sais pas si vous parlez tout à l'heure de Joanna Russ. Quand elle écrit, alors c'est pas traduit, Les Aventures d'Alix, je me demande si elle s'est pas inspirée un peu d'une traduction qui avait été faite d'Alix, la bande dessinée d'Argo, publié par Dargaud et qui a été traduite aux USA à ce moment-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liens finalement. On divise pas les choses de la même façon chez nous et aux USA. Et clairement, elle apparaît pour ce livre-là. Ça apparaît. Alors c'est pas elle qui est une autrice de science-fiction, parce que bien évidemment, elle est lue partout dans toutes les universités américaines. C'est une autrice adulée, fétiche. Mais malgré tout, pour ce roman-là, c'est comme si un jour elle avait décidé de faire de la science-fiction. Ce qu'on n'a pas du tout en vue chez nous, vu que nous, les guerrières, c'est sous couverture blanche. De base, quoi, si j'ose dire. Voilà, donc, je passe. Jeanne Lebas. Alors, je voulais juste intervenir pour dire qu'il y a quand même un détail amusant, c'est qu'actuellement, la scénariste d'Alix, c'est Valérie Mongin, c'est donc une femme. Un mot peut-être là-dessus. Il y a plusieurs choses. Il y a évidemment Ursula Le Guin. Il y a une autre autrice que vous mentionnez qui est avec un texte important qui s'appelle Joanna Russ, qui publie en 1975 The Female Male, et qui est un titre dont vous n'aimez pas du tout la traduction, Anne Larue, parce que c'était traduit en français. C'est intéressant de voir justement là aussi la façon dont on traduit ce titre de Female Male par l'autre moitié de l'homme. C'est effectivement un petit problème. C'est souvent le cas, c'est-à-dire parfois les traductions sont faites un petit peu bon par-dessus la jambe, si j'ose dire. Hein. C'est pas forcément très soigné, une traduction de science-fiction, surtout à cette époque-là. Alors j'espère que ça va être traduit. Il y a eu récemment un travail qui a été fait sur l'humour spécifique de Joanna Russ. C'est un livre qui fait pleurer de rire, mais on sent que ça pourrait être vraiment mieux traduit. Alors, l'autre moitié de l'homme, c'est ridicule. Vous pouvez nous raconter en deux mots de quoi il s'agit, ce que raconte ce roman? Alors, le roman est composé de 4 personnages. Donc, il y a la pauvre fille pleurarde, dont le copain est toujours dans ses pattes. Il passe son temps à l'exploiter, etc. Donc, elle ça va pas du tout. Elle est complètement écrasée par l'ambiance masculiniste. Il y a Janet. Janet, c'est l'extraterrestre qui, elle, n'hésite pas à dire à quelqu'un qui la pousse un peu, enfin, qui la coince un peu dans une soirée, que sur sa planète, car elle vient d'une planète très, très lointaine, et très brumeuse, donc elle n'hésite pas à dire que sur sa planète on s'entretue pour un rien. Et il n'y a que des femmes sur cette planète. Alors c'est assez amusant de voir justement que contre le topos qui voudrait que quand il n'y a que des femmes c'est absolument merveilleux, c'est tellement chouette et tout, là les femmes de lointain, ça a été traduit comme ça, passent leur temps à s'entretuer parce que pour un cheveu dans le plat, hein, comme dirait Boris Vian, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire il y en a une qui n'a pas dit bonjour à l'autre et du coup elles font un duel. Donc on n'a pas du tout une vision paradisiaque d'un monde, d'un one gender world féminin à travers ce personnage de Janet. La troisième, c'est Johanna. Et c'est pas la Johanna qui écrit, c'est une autre Johanna qui un jour se dit, elle se rendit compte qu'elle était un homme, qu'elle était devenue un homme, mais elle était toujours pareille. Elle était devenue un homme. Donc ça, c'est Johanna, la deuxième. Et la dernière, c'est Alice Jaël. Et Alice Jaël, c'est une espèce de divinité noire avec des dents d'argent, des prunelles d'argent. Elle est à la fois très faible et très forte, une sorte de figuration de la déesse. Donc ces 4 personnages fonctionnent ensemble, ne s'assemblent jamais en un tout cohérent, le cosmos masculiniste, moi au centre de moi-même, avec autour un homme plein de lui-même, fait un joli petit paquet, hein, comme disait Alphonse Allais. Bon, c'est pas du tout ça. Elle reste cyborg, c'est-à-dire elle reste complètement morcelée, déjantée, en tout petits morceaux, incapable de se rassembler en cet idéal du moi centré qui caractérise d'une certaine façon le patriarcat. Donc ce texte est d'une drôlerie incroyable, et d'ailleurs il y a énormément de textes féministes comme ça qui sont extrêmement drôles. On peut penser à Herland, qui a été écrit au tout début du siècle par Charlotte Perkins, laquelle se contentait de... Enfin, elle avait une revue à elle toute seule. Enfin, elle avait créé une revue toute seule, parce que naturellement elle était seule à pouvoir faire ça. Donc il y a vraiment une part d'humour extrêmement forte, et Johanna Russ, on est plié de rire en lisant Johanna Russ. C'est dommage que ce soit plus disponible et que la traduction soit pas très très, très enthousiasmante, disons. En fait. On peut préciser que dans cette vision uchronique de la société de Female Male, il n'y a plus aucun homme. Tous les hommes ont été évacués, et on est dans finalement une littérature conquérante encore, Jeanne Albasser. Que vraiment... je veux dire qu'il y a une partie, il y a une planète. Bah, Jeanne va le dire très bien. Non, mais alors, c'est juste l'utilisation du mot conquérante qui n'est pas la bonne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans la volonté de changer, de répliquer un modèle social en le transformant, en substituant finalement un modèle social établi des personnages féminins, Jeanne Albasser. Alors, moi, j'ai un peu lu quand même une critique de la société américaine des années 50-60, mais peut-être j'étais complètement à côté de la plaque. Mais en revanche, il y a un petit détail sur lequel je voudrais pointer le doigt, c'est que le mythe du monde féminin plus doux, qu'on trouverait par exemple dans la littérature féministe, c'est typiquement un mythe masculin. La femme est l'avenir de l'homme, comme chantait Aragon. Les femmes ne racontent pas ça. Elles racontent que l'homme va se débrouiller tout seul, merci, et que nous, on fera peut-être le ménage chez nous. Dès lors qu'on aura le pouvoir, on va s'en servir pareil. Et ça va donner, de temps en temps, les mêmes excès. La trilogie de Charnas que m'a pointé Elisabeth von Harburg la semaine dernière est de ce fait totalement parlante. Je ne sais plus le titre en anglais, mais c'est une trilogie de Charnas qui n'a pas été traduite de toute façon. Et là, c'est bien dommage, d'elle, nous n'avons qu'un vampire ordinaire dans la regrettée collection Ailleurs et Demain. Mais en tout cas, voilà ce que ça raconte en gros. Nous sommes dans un monde mourant où les hommes dominent, mais dominent de façon extrêmement dure, y compris eux-mêmes. Et là, les femmes sont pires que des marchandises. Il y a quelques guerrières révoltées dans les recoins. Et au final, il y a une révolte des jeunes hommes torturés par leur père et des femmes. Et tout ça ne réussit à mettre en place qu'une nouvelle façon d'organiser l'oppression. Parce que les gens sont trop traumatisés par l'ordre ancien pour réussir à se déconstruire, pour réussir à devenir autre, à se respecter, etc. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on trouve d'une façon ou d'une autre, cette question de, après la révolution, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que la révolution, finalement, vaut le coup d'être menée? Parce que si c'est pour renverser le rapport de domination en faveur de l'autre sexe, ok, ça c'est pour celle qui renverse, c'est positif, mais au final, ça ne change strictement rien. C'est vraiment la question de la révolution féministe, c'est la question de la révolution tout court. Faut-il se révolter? Alors, la réponse qu'on donne en général, c'est oui, finalement, quand même, parce qu'on finit toujours par obtenir quand même ou le déménagement, comme disait Boris Vian, ou une certaine amélioration. Voilà. Catherine Dufour, sur ce texte de Joanna Russ. Oui, moi je voulais revenir sur l'humour. Et effectivement, c'est une dimension peut-être pas commune à beaucoup de textes de science-fiction féminine, mais mine de rien, quand j'y réfléchis, si, moi je pense au Shikasta de Doris Lessing. Globalement, pour le faire très vite, ce sont des êtres très très puissants qui manipulent les civilisations comme des pions, et ça permet à Doris Lessing, en fait, de faire un tableau, notamment de la civilisation, alors celle de l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, ou celle des États-Unis à peu près à la même époque, qui est un monument d'humour glacé et sophistiqué. C'est à peu près aussi tranchant, incisif, drôle et impitoyable que du Stendhal. Franchement, je suis d'accord avec Anne. Il y a un humour qui incisif dans beaucoup de ces textes féministes. Mais j'ai peut-être pas répondu à la question là. Non, mais si, vous, tout à fait. Il n'y a pas de réponse attendue. Il ne faut pas rentrer forcément dans. J'ouvre des portes. Vous les prenez si vous voulez ou pas. Non, mais c'était peut-être un mot sur The Female Male, sur votre rapport à ce texte. Et c'est vrai que, on a l'impression, mais comme le disait très bien Jeanne Adebat tout à l'heure, que La main gauche de la nuit a été effectivement à la fois un manifeste et en même temps une chape de plomb. C'est-à-dire que The Female Male n'a pas eu la postérité et l'ampleur que de la révolution qu'a initié Ursula Le Guin. Mais dès qu'on a une avancée, on a un backslash. C'est exactement ce à quoi nous assistons en ce moment, à savoir qu'il y a une montée des masculinistes, en tout cas des voix des masculinistes contre le féminisme. De toute façon, c'est très simple. Dès lors qu'on déclare qu'on est féministe, c'est déjà trop. Hein, outre le fait qu'on casse l'ambiance en soirée, ce qui est quand même terrible, je ne le leur pardonnerai jamais. Et qu'on écrit en écriture inclusive, ce qui est quand même un crime contre la langue française. Vraiment, dès qu'il y a une once de féminisme, c'est déjà radical. Et l'égalité OVC, j'en parle pas parce que... On ne parle pas de l'égalité OVC. Ce qui nous amène lentement, mais sûrement, à la fin des années 70, et à une petite révolution dans l'univers de la SF, grand public, sur grand écran, avec, pour la première fois, un personnage central de femme puissante. Alors, il n'y en a pas un qui peut dire quelque chose. Je réfléchis. À moins que l'un de vous ait une meilleure idée, je suis d'avis de continuer le plan de Dallas. Quoi ? Tu veux qu'on finisse comme les autres ? Oh non, tu es complètement folle ! Tu as une meilleure idée ? Oui. Moi, j'ai dit qu'il faut abandonner cet appareil. Et nous prenons la navette et nous guidons tout de suite cet enfer. Il faut tenter notre chance et espérer qu'on trouvera quelqu'un qui nous ramasse. On ne tient pas à quatre dans la navette. Bon, là, on n'a qu'à tirer à la courte paille. Je ne suis pas pour tirer à la courte paille. Je suis pour tuer cette saloperie et tout de suite. D'accord. Voyons, comment on pourrait le tuer, puisqu'on sait qu'il utilise les conduits d'aération, dont c'est toi qui l'écoutes, Parker. Je voudrais... La ferme. Bon, on t'écoute. On t'écoute. Il utilise les conduits d'aération, nous le savons. Bon, c'est pas... C'est le seul et unique moyen. Nous avançons deux par deux, et pas à pas. Nous cassons toutes les cloisons et nous bouchons toutes les ouvertures, jusqu'à ce que nous l'ayons acculé dans le sas pour pouvoir le balancer dans l'espace. Est-ce que c'est acceptable pour vous ? Si ça veut dire le tuer, je trouve ça acceptable. Évidemment, ça veut dire le tuer. Mais nous devons rester ensemble. Comment sont les armes ? Les armes sont en bon état. Il faut juste recharger le lance-flammes. Alors occupe-t'en, s'il te plaît. Ash ? Y a-t-il une suggestion de ta part ou de celle de maman ? Non, nous continuons les recherches. Continuer les recherches ? Je trouve ça incroyable. Que veux-tu que je fasse d'autre ? Ce que tu as fait jusqu'à présent, Ash. Rien. Voilà cet extrait de Alien, le huitième passager de Ridley Scott, avec ce personnage d'Ellen Ripley qui va devenir indissociable de la saga et qui est pour la première fois en 1979 sur grand écran un personnage qui passe j'ai pas vérifié tout, mais on peut supposer qu'elle passe le test de Bechdel assez largement. Très haut la main, et elle est très intéressante parce que à aucun moment on ne nous dit que Ripley est forte parce qu'elle a beaucoup souffert. Ce qui va être un des tropes avec lequel on va faire après pendant des années, où il faudra au moins qu'une femme ait été violée, massacrée, torturée, avant de devenir une femme puissante. À aucun moment on ne nous dit ça de Ripley. C'est juste une seconde de vaisseau normale qui, devant une situation anormale, réagit en officier. Et c'est là qu'elle est extrêmement bonne. Après, ses descendantes auront moins d'intérêt, effectivement, parce que on va leur trouver, entre guillemets, des excuses pour être fortes. Le pire de ça, c'est, pour moi, c'est Gravity. Ça, on arrive là au fin fond de la mauvaise caractérisation du personnage féminin fort, à savoir que elle n'est là dans l'espace, à faire de la science. Et elle ne va survivre que parce que, d'abord, le fantôme d'un homme va l'aider, mais ensuite parce qu'elle a perdu un enfant. Donc parce qu'elle a perdu un enfant, elle peut aller faire l'andouille dans l'espace au lieu de s'occuper des couches. C'est Gravity, c'est un très beau film et il est insupportable. Sur le personnage important aussi, sur la figure d'Hélène Ripley pour le grand public, Catherine Dufour. Oui, l'extrait est vraiment très très bien choisi parce qu'on voit l'opposition entre, on va dire, l'ancienne femme et la nouvelle femme. On a la potiche qui pousse des petits cris, c'est-à-dire tout le background ancien, et enfin arrive ce personnage de Ripley qui lui est très très moderne, donc vraiment extrait parfait. Et Véronica Cartwright qui joue justement le personnage, et puis surtout on entend aussi ce qui est intéressant, la raison pour laquelle on a choisi cet extrait de la rue, c'est qu'on entend une femme qui fait taire un homme, c'est-à-dire que c'est vraiment elle ne demande pas conseil, elle n'a pas besoin de la validation de son discours, c'est elle qui impose ses directives. Moi, je dirais que, bon, alors, j'ai jamais vu Alien, même sur Netflix, je ne supporte que les films de moins de 13 ans. Tout cela me terrifie. Mais, enfin, sur les héroïnes fortes, il y a quand même une réflexion en jeu, autour du fait que, certes, par exemple, pour Wonder Woman, son créateur était féministe, et il l'a voulu comme une fille sportive courageuse, quoique féminine, mais bon, pardonnons, mais que malgré tout, ces héroïnes fortes, est-ce qu'elles ont tant d'impact que ça? À partir du moment où elles sont prises dans une espèce de NAS, qui est pour moi la structure elle-même. Alors, en amont, on a ce modèle religieux, disons les religions du pourtour de la Méditerranée, disons à grand livre et grand homme, ça se décline en ma vie, mon œuvre, à moi, l'homme, les monographies, hein, comme on dit, et finalement, cette espèce de NAS, qu'on reconnaît bien en histoire de l'art, hein, tous les livres rangés, David de la Croix, de la Roche, de l'Écluse, au milieu, il y a un nom de femme, et puis finalement, toute la structure est masculiniste. Et il me semble que ça pose le problème, parce que les héroïnes fortes sont-elles autre chose que des projections de fantasmes? Tant qu'elles sont prises dans la nasse patriarcale, dans le phénomène de masculinisme, de starification, de hiérarchie implicite, compétition permanente, etc., est-ce qu'on peut arriver vraiment à avoir une vraie voix? Et la voix, elle peut être aussi bien la voix d'un homme que d'une femme. C'est-à-dire là, on en est encore à dire les hommes, les femmes, ça n'a aucun sens. Hein. Je crois que la science-fiction sera queer ou ne sera pas. Comme j'ai dit dans une interview de La Volte, hein, je pense que je m'avance un peu en disant ça, mais malgré tout, c'est un peu mon espoir, disons, qu'on n'en reste pas à des figures. Pour moi, faire taire un homme, bon, oui, c'est pas. Je crains qu'il y ait un effet qui soit moins fort qu'on croit, et qu'on n'ait pas dépassé finalement Gérald de Jouarry, dont on parlait tout à l'heure au tout début. Alors, ça se discute, hein, j'ai conscience que ça se discute. On va reparler tout à l'heure, hein, dans quelques minutes de la SF queer contemporaine avec des autrices importantes comme Ada Palmer, on va y venir. J'aimerais tout de même qu'on dise, puisqu'on est dans les années 80 et qu'on déroule un peu justement l'évolution de cette SF féministe au fur et à mesure des années, il y a quand même un texte là pour le coup qui est aussi un texte essentiel en 1985, le manifeste Cyborg. Vous pouvez nous en dire un mot, Anne Larue, puisque dans Lève-toi Cyborg, vous apportez une sorte de continuité finalement à ce texte, ce manifeste fondateur de Donna Haraway. Oui, alors c'est un texte qui semblait illisible parce que, enfin pour les Français et Françaises, parce que les traductrices avaient choisi de traduire le cyborg « il ». Or, dès qu'on dit « il », il y a une levée de connotation, on pourrait dire comme une levée de bouclier. On a Robocop, on a le mec, on a l'obsolescence programmée, on a la police, hein, comme Superman, Robocop c'est pareil, des millions de Chinois ils pourraient sauver, mais non, ils s'occupent des petites affaires, de la bien nommée Smallville. Donc toute cette espèce de connotation un petit peu, disons, pénible du cyborg, perturbe complètement la vision qui est celle d'Haraway pour le cyborg. Alors, gloire soit rendue au traducteur en allemand, Fred Wolf, qui a traduit en 1995 le manifeste, et il écrit « Die cyborg ». Autrement dit, pour lui, c'est la cyborg. Et, c'est ce qu'elle disait elle-même, hein, c'est-à-dire qu'elle elle a toujours revendiqué que c'était vraiment un personnage féminin. C'est vrai que cette erreur de traduction en français est assez incompréhensible. Non, c'est tout à fait compréhensible. Ah bon, ça l'est. Soupçonnable. Les gens sont hantés par le fond neutre que constitue une masculine hégémonique. Il y a toujours le patriarcat comme rhétorique ambiante. C'est le creuset immédiat de la pensée. Tout le monde tombe dans ce piège. On dit les étudiants, on ne voit pas les étudiantes. Alors que ce serait si simple d'employer, comme le suggère Eliane Viennot, un féminin majoritaire, par exemple. Quand il y a plein de femmes dans l'assemblée, on dit elle. Et quand il y a plein d'hommes, on dit il. Et puis sinon, on dit n'importe quoi. C'est pas non plus très grave, hein. Bon, alors effectivement, Haraway dit que c'est elle. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette elle ? C'est un personnage complexe, composé non pas de bouts de silicium et d'accessoires informatiques. C'est pas Molly Millions, hein, avec ses yeux cybernétiques. Hein, Molly Millions, c'est Neuromancer, hein, William Gibson. C'est Neuromancer, oui, de Gibson. Ouais. Qui est pas mal, hein, bien que ce soit... Bon, on va pas en parler, mais bien que ce soit une allégorie du jeune nerd de brillant, une espèce de topos des génies d'ARPANET, de quoi énerver Catherine, j'imagine, qui a remis les choses en place avec son livre sur Ada, pour moi tout à fait fondamental dans le paysage dont on parle, hein, clairement. Auquel nous avons consacré une heure entière, on va évidemment vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Mais je vous laisse poursuivre, peut-être pour réexpliquer un peu bien aux auditrices et aux auditeurs ce que c'est que cette figure de la cyborg, pourquoi ce qu'en fait Donna Haraway, pourquoi ça devient essentiel ? Alors, elle en fait un personnage qui n'est pas forcément composé et structuré, c'est-à-dire un personnage qui accepte d'avoir des différences. Alors, disons les liaisons de Van der Velde, des tas de petits bras, vous voyez, qui sortiraient de la cyborg et qui lui permettraient de s'accrocher à des gens, même si elle n'est pas d'accord avec eux sur tout. Moi, je crois qu'on valorise beaucoup trop l'opinion par rapport aux vraies idées. On dit « Ah, c'est mon idée, j'ai mes idées », mais ça veut rien dire, évidemment. C'est que des opinions. Or, ce que suggère la cyborg d'Haraway, c'est une position politique. La capacité de s'allier les unes, les uns avec les autres, sans être complètement d'accord avec le programme. Vous voyez, il y a une espèce d'imaginaire du total look, parce que je le vois bien, il faut être parfait, parfaite, des pieds à la tête, entièrement cohérent, cohérente, partout. Or, cette obligation, elle est imposée par l'ennemi. On voit comment, politiquement, tout le monde dit « Ah, le groupe s'est désuni, les gens se sont divisés ». Voilà, le mot « divisé » qui revient tout le temps. J'ai... Complètement stupide, on peut être divisé. On a le droit, et c'est la base de l'action politique, selon Haraway. Catherine Dufour, justement, sur cette figure de la centrale, centrale de la cyborg, qui va vraiment infuser à partir de ce manifeste d'Haraway jusqu'à aujourd'hui encore. Oui, mais Haraway, c'est vraiment, c'est énorme, c'est une entreprise radicale de déstabilisation de toute pensée occidentale. C'est-à-dire qu'elle dit, il n'y a pas de nature, il y a une nature-culture. L'être humain ne peut pas être séparé de ses artefacts. Parce que toute personne qui s'est un jour retrouvée nue dans la forêt sous la pluie pourra vous confirmer, l'être humain sans ses artefacts, il n'arrive pas à exister. Alors c'est un peu du matérialisme historique, mais c'est vraiment un questionnement de notre lien, notre pseudo-lien à une nature fantasmée. C'est un scepticisme radical. Et c'est en ça que c'est intéressant. Alors la figure elle-même de la cyborg, ça met fin. C'est étonnant qu'on s'étonne encore qu'en France on dise le cyborg, alors que on a bien vu qu'on a traduit Joanna Russe par l'autre moitié de l'homme. En France, au risque de casser l'ambiance, je peux le dire, on a du mal avec human rights. On dit droit de l'homme au lieu de dire droit de l'être humain. Et c'est désolant et je ne sais pas d'où ça vient et j'aimerais bien que ça cesse. J'en ai de base sur la cyborg. Alors chaque fois, je pense à Super Jimmy. C'est vrai que dans la science-fiction, on est arrivé très très vite à la femme et l'artefact fondus. Et on s'est très vite demandé de quelle façon c'était pas une autre objectivation de la femme. Heureusement, les autrices sont arrivées pour changer cette vision des choses, mais on est passé à ras. Et cela étant, le transhumanisme offre des perspectives qui sont un peu angoissantes, parce que d'un côté, il y a le merveilleux réplicateur utérin qu'on pourrait toutes réclamer pour éviter les dangers, les risques de la grossesse à la fois pour la femme et l'enfant. On attend l'enfant pendant 9 mois, on a 9 mois pour se bourrer la gueule, hein, et faire le deuil de sa vie d'être humain libre et pour, en pensant à la nuit, aux nuits terribles qu'on va passer. Et en même temps, on peut avoir la peur que certaines féministes radicales, que je ne rejoins pas du tout, mais on est vraiment dans de la science-fiction terrifiante, de la dystopie. Cette fameuse dystopie misandre dont on nous parle assez souvent, à savoir, avec le réplicateur utérin, il n'y a plus besoin des femmes. Donc ce serait un monde d'hommes. La science-fiction peut cauchemarder des mondes comme ça. C'est intéressant que vous évoquiez la dystopie, parce que l'heure avance et il faut évidemment qu'on avance aussi un petit peu dans le temps. On dit depuis le début que, eh bien, tous ces univers qui sont créés, qui sont des univers en rupture, qui viennent justement casser le modèle patriarcal, qui pensent la société de manière différente, sont plutôt des modèles qui vont du côté de l'utopie. Et puis il y a un autre texte fondateur, on est au début des années 90, dont l'intérêt a été relancé récemment grâce à son adaptation en série télévision. C'est évidemment le texte de Margaret Atwood. De Daniel a été reconnu coupable d'avoir mis en danger un enfant. La sanction pour un tel crime est la mort par lapidation. Bien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quand je sifflerai, vous pourrez commencer. Tante Lydia, vous pouvez pas nous demander ça. De Glenn, retournez à votre place. C'est une blague! Les filles, enfin, réagissez! Remettez-vous en rang. De Glenn. Non, je ne ferai pas. Je tuerai pas Janine. Mademoiselle! Ça suffit maintenant! Ce devoir, vous devez toutes le faire, est-ce que c'est clair? Obéissez! Je suis désolée, Tante Lydia. Je suis désolée, tante Lydia. Rentrez chez vous immédiatement et réfléchissez un peu à ce que vous venez de faire. Voilà cet extrait de l'adaptation de La Servante écarlate de Margaret Atwood en série télévisée. On a gardé cet extrait parce que évidemment c'est d'un seul coup voilà le retour de la sororité, donc de la rébellion dans ce monde qui a ravalé les femmes à leur statut de gestatrice. Peut-être un mot parce que aujourd'hui pour faire la bascule, on pourrait parler, il faudrait parler des chroniques du Pays des Mères aussi, évidemment, donc que vous avez préfacé d'ailleurs chez Mnemos, Jeanne Adeba. Cette tentation aujourd'hui d'une certaine forme de littérature de science-fiction féministe de s'inclure dans la marche du temps et de constater que, eh bien, les droits continuent à reculer, qu'on continue à vivre dans ce modèle-là et que parfois, si on n'y échappe pas, combien de fois on s'est dit, mais ici même et dans l'équipe, mais La Servante écarlate, il y a des moments où on a l'impression qu'on est en train de voir le prequel, quoi. Mais il faut savoir qu'en ce moment-là, même au Parlement européen, il y a des lobbies anti-avortement qui sont en train de travailler, on va dire, d'ourdir dans l'ombre façon Fu Manchu, hein, pour arrêter les droits, encadrer les droits reproductifs des femmes. J'aime beaucoup cet extrait qui, d'un côté, montre la sororité façon Je suis Spartacus, et de l'autre côté, qui montre la femme de droite. Et celle-là, on les a. Parce que les deux neuves, les ardents, je ne leur pardonnerai jamais. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Ces femmes-là, elles sont maîtresse Lydia. Elles envoient des cailloux à la figure des femmes. Et c'est un vrai scandale. J'aimerais qu'on dise un mot aussi parce que c'est important et pour finir peut-être sur une touche un peu plus un peu d'espoir, un peu utopiste, justement de ce dont on parlait tout à l'heure, de ce dont vous parliez, Anne Larue, c'est-à-dire de ce nouveau mouvement d'autrices, d'auteurs aussi, parce que il n'y a pas que des autrices, de ce qu'on appelle aujourd'hui la science-fiction queer intersectionnelle, avec notamment Ada Palmer, Trop semble à la claire, qui dont la suite va bientôt sortir en librairie. On a une interview qu'on va vous diffuser dans très peu de temps. Ça veut dire qu'il y a une sorte de ressourcement finalement grâce justement aux évolutions sociales, grâce à tous ces combats qui aboutissent, grâce à ces évolutions de la société, qui donnent lieu finalement à une nouvelle science-fiction positive, queer, intersectionnelle, qui est effectivement plus en lien aujourd'hui avec la société et la société progressiste, Anne Larue. À mon avis, ça date pas d'hier. Hein. Je pense à l'œuvre de Vintrebert, par exemple. Joël Vintrebert, dès un roman comme Pollen, qui est publié dans les années 70, il y a des triades avec deux filles et un garçon, des liens sororaux, amoureux et sexuels. C'est très dérangeant. Ça déplace vraiment les habitudes de genre ancrées. Dans le créateur chimérique, les personnages se reproduisent par scissiparité. Dans les maîtres-feux, on a l'alliance d'une humaine et d'un lézard. C'est-à-dire que finalement, cette queerisation de la littérature, elle date pas d'hier et pas forcément des américaines qui sont, enfin, on a peut-être tendance à mettre toujours les USA devant de la scène, je dis pas US go home, c'est pas ça, mais je crois quand même, on peut parler de Sabrina Calvo en France, faudrait revenir on parlait de Von Harbour aussi, ça date de quand? Ça date d'il y a déjà un bon moment. 92, les Chroniques du Pays des Mers. Oui, c'est ça, Chroniques du Pays des Mers, et déjà, on a, ça fait un effet extrêmement queer quand le premier homme habillé en bleu apparaît et les filles en rouge disent mais qu'est-ce que c'est ça? Oh ben ça c'est complètement marginalisé. Enfin, je pense qu'il y a déjà dans cette époque-là, si j'ose dire d'époque, faut pas exagérer, c'était il y a pas très longtemps, on a cette queerisation qui commence à arriver et qui culmine avec des aujourd'hui, alors je veux dire encore une américaine, bon, des autrices comme Becky Chambers par exemple, mais pas seulement, Ada Palmer dont vous parlez, etc., etc. Donc je sais pas ce qu'on... Un mot justement, mais rapidement, juste pour conclure, parce que il y a effectivement l'émergence de cette SF queer, si on veut l'appeler comme ça, mais moi je trouve aussi, et je voulais vous soumettre ça pour conclure, Jeanne Debat, on voit aux Utopiales que ça n'est pas que du côté des auteurs, c'est aussi du côté du public, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le nouveau public, que les nouvelles générations se sont beaucoup, ont beaucoup changé, sont beaucoup plus proches justement de cette diversité-là. On voit qu'on a, on a quitté l'image du public de SF qui est composé uniquement de jeunes hommes blancs, un peu, voilà. Alors, il nous reste des jeunes hommes blancs, hétérosexuels, hétérosexuels, etc. Mais il est vrai que nous avons un public qui est de plus en plus queer, avec une culture qui se développe un peu en marge de l'ASF, mais avec l'ASF. C'est-à-dire que les jeunes gens sont en train d'un peu d'éjecter les vieux cons que nous sommes, et ils ont bien raison. Ils ont d'autres voies pour utiliser la pop culture, ils ont le grandeur nature, ils ont les jeux de rôle, les jeux vidéo, que nous, notre génération d'auteurs, nous avons connus, mais de façon, d'une certaine façon, marginale, alors que eux sont en train d'en faire non seulement un outil créatif, mais un outil révolutionnaire, un outil queer, qui est assez impressionnant. Allez voir sur Tinder, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux que les jeunes investissent, c'est pas Facebook où sont tous les vieux comme nous. il faut voir le mouvement queer en train de se développer de façon totalement science-fictive. Catherine Dufour, un mot pour conclure justement là-dessus? Ah oui, c'est une citation de Elisabeth Von Harper dans Chroniques du Pays des Mers, où il y a une héroïne qui dit « Moi, je m'en tiens aux fêtes, les fêtes, que les fêtes, c'est ça qui m'intéresse. » Il y en a une autre qui lui répond tout doucement « Mais en fait, on écrit des histoires d'abord pour digérer les faits. » Et je crois que c'est une bonne définition de la science-fiction. Ça, j'avais beaucoup aimé cette... Ça m'a fait beaucoup réfléchir, cette phrase d'Elisabeth. Eh bien écoutez, ce sera une merveilleuse phrase de conclusion. Merci beaucoup toutes les trois. Merci Jeanne Debat. Alors, Humaine trop humaine chez ActuSF, mais il y a un roman qui sort dans pas longtemps, au printemps? Ah oui, alors si tout va bien, je terminerai Aria Stellae, qui est mon renversement du space opéra. Anne Larue, Libère-toi Cyborg, le pouvoir transformateur de la SF féministe chez Cambourakis. Catherine Dufour, il y a encore Ada ou la beauté des nombres chez Fayard, mais bientôt aussi un prochain roman dans les cartons. Un recueil de nouvelles de science-fiction qui paraît au mois de mai. Très bien, et on suivra ça comme d'habitude avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'impatience. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique. La semaine prochaine, dans le labo de la méthode scientifique, lundi, nous parlerons des procédés métastatiques en oncologie. Mardi, il sera question des briques du vivant dans l'espace. Mercredi, nous parlerons du lien entre la recherche en médicaments pharmaceutiques et l'intelligence artificielle. Jeudi, nous essayerons de résoudre le problème à trois corps. Et vendredi prochain, eh bien, ce sera à nouveau une émission spéciale de suivi du Covid-19 et de la recherche autour de cette épidémie. Comme vous pouvez retrouver évidemment tous les jours par ailleurs, nous la suivons de très près dans le Journal des Sciences et sur la page dédiée sur franceculture.fr. Demain à 16h, c'est Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.